retour à la maison avec Christophe Maé. C'était L'Amour sur France Bleu Orléans. Il y a David Guetta et Chris Willis, Love Don't Let Me Go, à savourer dans un instant. La météo 100% locale avec les balnéades, centre de bien-être, forme et détente à 10 minutes d'Orléans, les-balnéades.fr. La météo avec des précipitations qui cessent et des éclaircies qui réapparaissent dans les prochaines heures. Voilà le programme selon Météo France. Dans le Loiret et le Loir-et-Cher, le vent devrait s'atténuer même s'il reste encore bien fort, jusqu'à 65 km/h dans le Loir-et-Cher par rafale. Pour les températures, à Pithiviers, Châteauneuf-sur-Loire, Courtenay et Gien, 18 degrés, 19 degrés à Orléans, Montargis, Châtillon, Coligny, La Ferté-Saint-Aubin, Vendôme et Beaugency, 19 également à Salbris et Bracieux. Voilà pour les températures actuelles. Pour cette nuit, de belles éclaircies. Merci en soirée, puis le ciel va devenir très changeant. Nous aurons des averses qui pourront se produire et des températures minimales comprises entre 12 et 13 degrés. Demain, jeudi, un ciel qui reste majoritairement nuageux toute la journée, même si par moments, il y aura de belles éclaircies, nuages qui peuvent donner tout de même des petites averses, avec une amélioration temporaire prévue en milieu de la journée de la Puisée au Berry, ainsi qu'à l'ouest du Loiret, avec des températures maximales de 20 à 21 degrés. 02 38 53 25 25, on fait la route ensemble. Si vous avez un incident, une difficulté, vous nous appelez. Jusqu'ici, ça roule relativement bien. Quelques ralentissements à vous signaler du côté du Leclerc de Fleury-les-Aubrais. Lorsqu'on souhaite rejoindre la tangentielle, comptez 4 minutes en plus sur votre temps de trajet. D'ailleurs, ça roule relativement bien. Pas de difficulté dans le Loiret, hormis ces quelques ralentissements signalés sur la rue de Loris, dans la zone d'activité de Gien. Vous êtes ralenti sur plusieurs centaines de mètres ailleurs, et notamment à Blois, ça va beaucoup mieux. 02 38 53 25 25 si vous avez des difficultés. À suivre sur France Bleu Orléans, eh bien Émilie Mazoyer qui nous donne rendez-vous quotidiennement pour Décibel, la chronique, l'actualité musicale du jour, résumée en 2-3 minutes top chrono. Avec vous Émilie, salut. Salut tout le monde. Émilie, au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça. La reine Catherine Ringer, autrice, compositrice et chanteuse de génie en solo ou avec son groupe culte les Rita Mitsuko. On lui souhaite évidemment le meilleur pour son anniversaire et je vous souhaite d'aller l'applaudir sur scène avec son nouveau spectacle L'érotisme de vivre, mélange savoureux de lecture de poèmes et de chants autour des textes d'Alice Mendelssohn. Ça parle de désir, de plaisir, du temps qui passe et du corps qui exulte ou pas. Catherine Ringer investit des théâtres partout en France. Prochaine date à Angers, le 19 novembre, à jouer les tours le 11, et pour les Parisiens, il faudra attendre l'an prochain. 15 ans après la sortie du Soldat Rose, conte musical pour enfants à succès signé Louis Chédid, avec M, Francis Cabrel, Vanessa Paradis, Alain Souchon et Jeanne Chéral, ça avait fait un carton à l'époque, hein. Une victoire de la musique, 500 000 exemplaires vendus. Pour fêter les 15 ans, donc, ce spectacle part en tournée. Ça commence à Paris, vendredi, au Grand Rex. On m'appelle le soldat rose, je me névrose, m'ankylose, ma sclérose. Un petit garçon perdu dans un grand magasin et des jouets qui s'animent à la nuit tombée. L'idée fonctionne toujours très bien 15 ans après. La qualité des musiques et des textes font que les parents passent aussi un bon moment avec le soldat rose. Le nouveau casting vous attend à Paris pendant ses vacances, puis en tournée partout en France jusqu'au printemps 2024. Star Wars, E.T., Indiana Jones, Superman, Harry Potter. John Williams fait partie des rois de la bande originale de films et il va avoir droit à un beau coffret rétrospectif. Ah mon Dieu, Dark Vador ! Vous voyez, ça marche, hein, la musique de John Williams. The Legend of John Williams, 20 CD, 22 heures de musique. Ça sort le 24 novembre. Et ça y est, lui, il est sorti. Simplement Scheller, l'album hommage à William Scheller. 17 artistes et autant de reprises piano-voix avec Eddie Depreto, Véronique Sanson, Vincent Delerme ou encore Calogero. Les chansons sont merveilleusement mises en valeur. C'est une réussite. Mais moi, je te connais à peine et ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Ça ne vaut pas la peine. Merci. beaucoup, Émilie Mazoyer. On vous retrouve tout à l'heure, 19h, 20h, Décibel, l'émission avec on a invité Vincent Delerme pour simplement Scheller, les plus grands titres du répertoire de William Scheller à notre Orléanais, revisité en version piano-voix par 17 artistes, de Calogero, par exemple, à Zao, de Eddy de Préto à Alex Baupin ou encore Jeanne Chéral. Vous retrouvez donc cette émission tout à l'heure, 19h, 20h, Décibel, avec vous, Émilie Mazoyer, et évidemment le podcast de la chronique du jour sur FranceBleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. Soyez prêts, voici David Guetta et Chris Willis pour rentrer à la maison. Love Don't Let Me Go sur France Bleu Orléans. You got me dancing and crying, rolling and flying, love don't let me go. You got me drowning in a river, cold blood and fever, love don't let me go. Don't let me go. Love Don't Let Me Go sur France Bleu Orléans. Il est 16h38, bon retour à la maison. On est très heureux de vous accompagner sur France Bleu Orléans avec dans le rétro deux artistes qui font l'actualité, de réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache, interviewés par Déborah Grunewald pour cette émission quotidienne. Vous allez évidemment voir la pensée des deux réalisateurs sur les algorithmes qui visiblement nous enferment. C'est à découvrir avant les informations de 17h. Et puis si vous êtes fan de Mylène Farmer, vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui adore l'artiste, on a une très bonne nouvelle pour vous à découvrir et à gagner dans le kiosque France Bleu avant Madonna. Le Le 16-19. Le 16-19. Le grand jeu pour s'amuser, s'instruire et surtout gagner. Cette semaine, testez votre culture générale et gagnez vos entrées à Center Parcs. France Bleu Orléans vous offre un pack famille avec deux entrées adultes et deux entrées enfants. Vous allez ainsi pouvoir profiter de cette belle adresse à Chaumont-sur-Tarronne en Sologne. De quoi passer une journée en famille inoubliable. Le Center Parcs des Hautes-Bruyères vous attend au 02 38 53 25 25 et rendez-vous jusqu'à vendredi. Le grand jeu. Tous les jours à 11h. Le groupe Bastille Automobile fête ses 110 ans. Venez célébrer cet anniversaire lors des ventes privées Nissan du 16 au 28 octobre. Profitez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules. L'occasion de découvrir la technologie Nissan e-Power unique au monde. Bastille Automobile, c'est aussi une excellente e-réputation client avec une note Google de 4,7 sur 5. Bastille, concession Nissan Orléans, Autoval de Loire à Fleury-les-Aubrais. Nissan. Vente privée du 16 au 28 octobre. Pensez à covoiturer. Les 21 et 22 octobre, l'Orchestre Symphonique d'Orléans met Beethoven à l'honneur. Le pianiste Lorenzo Soules, récent lauréat du prestigieux concours international de piano d'Orléans, interprétera aux côtés de l'orchestre le célèbre et dramatique concerto pour piano numéro 3. Venez découvrir ou redécouvrir au Théâtre d'Orléans l'ouverture de Coriolan et surtout la symphonie numéro 8, joyeuse et énergique. Un programme aux multiples facettes, à l'image du génie Beethoven. Toutes les infos sur orchestre-orléans.com. France Bleu Orléans. France Bleu Orléans. Le 16-19. Merci d'être avec nous sur France Bleu Orléans. C'est un véritable plaisir de vous accompagner et surtout de vous faire plaisir avec des cadeaux qui changent tout au long de la semaine, chaque jour, un cadeau dans le kiosque France Bleu Orléans. Aujourd'hui, il concerne Mylène Farmer. Vous faites des parties des personnes qui ont été frustrées que ces concerts initialement prévus début juillet soient tout simplement reportés. Eh bien, on vous offre ce livre, le livre Mylène Farmer de Christian Eudelin, paru aux éditions Hugo, livre incontournable et indispensable sur Mylène Farmer, cette icône de la chanson française. Je l'ai dans les mains, il est juste fabuleux ce livre. J'espère que vous avez de la place dans votre bibliothèque avec des photos incroyables d'elle sur scène, d'elle plus jeune, d'elle actuellement, d'elle dans des défilés de haute couture, elle au Festival de Cannes. Il y a des histoires, il y a ses records, et je peux vous dire que la page record, il y en a un paquet. Eh bien, nous vous offrons dès maintenant ce bel ouvrage Mylène, paru aux éditions Hugo de Christian Eudelin. 02 38 53 25 25. C'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un, en tout cas moi je connais quelqu'un dans mon entourage qui serait fan de ce livre. Au pire, si c'est pas pour vous, vous l'offrez. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un joli cadeau que nous vous offrons dans le kiosque France Bleu Orléans. C'est Patricia qui vous attend au 02 38 53 25 25 pour gagner ce fabuleux livre. Allez jeter un petit coup d'œil sur internet, il est juste incroyable et je suis sûr qu'il trouvera place chez vous, dans votre étagère. Entre temps, voici Madonna dans le 16-19 sur France Bleu Orléans. Madonna à l'instant sur France Bleu Orléans avec Papa Don't Preach. Dans le casque France Bleu Orléans, on accueille Sylvie de Mardier. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Parfait. Comment s'est déroulée votre journée, Sylvie ? Parfaitement bien. Vous avez fait quoi de beau ? Je suis allée faire une séance de sophrologie à mes petits seniors en EHPAD. Oh, très bien. Et alors, la sophrologie, ôtez-moi d'un doute, ça consiste en quoi, rapidement ? Alors, ça consiste à se faire du bien, en fait. À se faire du bien par des exercices de respiration, des mouvements doux et des visualisations. Et du coup, vos petits seniors permettent de passer un bon moment, finalement. Exactement. Ils sont ravis de me retrouver. Moi, je suis ravie de les retrouver aussi tous les mercredis après-midi. Est-ce qu'ils sont relous, les petits seniors ? Ah, pas du tout. Non, c'est bon. Ils sont adorables, j'imagine. Ah oui, moi j'aime beaucoup aller les voir. Malheureusement, des fois j'ai des impératifs, mais ils attendent ma venue. Écoutez, pour récompenser votre cours de sophrologie à vos petits seniors, moi je fais mon sophrologue à ma manière. Puisque vous parlez du fait de se détendre, de se faire du bien, je vous offre Mylène, évidemment, de Christian Eudeline dans le kiosque France Orléans, voilà. Écoutez, c'est super, je suis super contente. Vous êtes fan, vous avez vos places par exemple pour ces venues au Stade de France ? Non, j'ai pas mes places, mais j'aime beaucoup l'artiste, ouais. Écoutez, vous allez pouvoir la découvrir encore plus avec des photos inédites et vraiment hyper bien racontées, hyper beau. C'est vraiment un livre, il faut pas qu'il prenne la poussière, je compte sur vous Sylvie. C'est super, je remercie vraiment France Bleu Orléans et toute l'équipe et merci encore pour ce super cadeau. Noël. Grand plaisir, on vous embrasse, passez une belle journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors je rassure ceux qui ont tenté leur chance, il nous en reste deux exemplaires à gagner. Ce sera juste avant 19h dans le kiosque France Bleu Orléans. Dans le rétro, Eric Toledano et Olivier Nakache, on les retrouve avec Deborah Grunewald d'après Patrick Fiori et Florent Pagny. Il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas. Traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux, j'y vais. Quand le passé me distance, dans chacun de nos pas. Secret. J'y vais. Patrick Fiori, accompagné de Florent Pagny sur France Bleu Orléans. Et le morceau J'y vais, il est 16h51. Excellent mercredi tout le monde. Bon retour à la maison. Ils sont les invités de la semaine au micro de Déborah Grunewald dans le rendez-vous quotidien dans le rétro. Les deux réalisateurs qui sont à l'affiche d'une année difficile. Leur nouveau film disponible dans toutes les salles obscures du Loiret, du Loiret-Cher et de France depuis aujourd'hui. C'est Éric Toledano et Olivier Nakache. Il y a quelque chose qui fait peur avec l'algorithme, c'est d'être abreuvé de soi-même, abreuver des avis qui nous disent, puisque vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, et donc on n'est plus confronté à l'opposition. Et donc ça a créé d'ailleurs des grosses surprises. Il y a eu des études, notamment au moment du Brexit ou de l'élection de Trump, où les gens ne s'attendaient pas du tout, parce qu'ils étaient abreuvés de gens qui pensaient comme eux. Je pense que le dialogue, il faut le maintenir, et tout le monde a le droit de s'exprimer. Le dialogue est rompu aujourd'hui, et déjà depuis longtemps d'ailleurs, sur un sujet en particulier, Israël. J'imagine que vous avez des proches là-bas, des potes. Comment vous vous sentez? Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Non, mais on peut en parler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. On est, je crois, pas au-delà des identités, je veux dire, on ne peut pas être insensible quand on voit de la barbarie, quand on voit de la sauvagerie, et c'est en tant qu'être humain qu'on est comme ça, et je pense que tous les êtres humains qui ont vu ces images, qui rappellent d'ailleurs des images de pogrom, quoi, des images d'élimination, de sauvagerie auprès de bébés, c'est tellement intolérable que tout le monde devrait se lever et dire ça, c'est pas possible, ça, on le refuse. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est pas un problème d'un conflit local, c'est un problème de conception de l'existence. Le but quand même du terrorisme, c'est d'essayer de nous diviser, et que l'art, la culture, la littérature, le cinéma, le théâtre, c'est de réunir, c'est de se questionner, c'est d'avoir de l'introspection. Et que je crois que quand on dit justement de réagir à tout ça, il y a toujours les identités qui arrivent, mais moi je veux enlever ce côté d'identité, je dis c'est vraiment une bagarre entre deux visions de l'existence, et que c'est à chacun de regarder en soi et à sa propre conscience et de comprendre, parce que je vois beaucoup de débats nauséabonds, où est-ce qu'on se situe, et si on se situe pas du bon côté, c'est dangereux pour l'humanité en général. Et ça me fait peur. Voilà, c'est vrai que ça me fait peur. Dans le rétro, version intégrale à découvrir ce samedi entre 14h et 15h avec Déborah Grunewald sur France Bleu Orléans, Éric Toledano et Olivier Nakache qui parlent plus précisément de leur film. Dans Si on sortait, le rendez-vous de Sébastien Doucet à retrouver après les informations de 17h et Whitney Houston sur France Bleu. Whatever you want, whatever you need, anything. Whitney Houston, I'm Every Woman sur France Bleu Orléans. La suite de votre 16-19 avec les invités Eric Toledano et Olivier Nakache au micro France Bleu Orléans de Sébastien Doucet pour évoquer la nouvelle comédie disponible dans tous les cinémas de France, la comédie sociale Une année difficile. Interview à retrouver après les informations de 17h. Le 16-19, 16-19. Je vais t'aimer. La comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer. Vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Orléans. Bel après-midi, vous écoutez France Bleu Orléans, il est 17h. L'essentiel de l'information avec Christophe Dupuis, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous. Le bilan des Français tués depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas s'alourdit. Il fait état désormais de 24 morts et de 7 personnes toujours portées disparues, selon Elisabeth Borne qui s'exprimait cet après-midi au Sénat. À Paris a par ailleurs rapatrié 3500 Français d'Israël, a indiqué la Première Ministre. Depuis ce matin, une dizaine d'aéroports français ont été évacués après des menaces d'attentats. 4, Toulouse, Beauvais, Bordeaux et Pau, étaient encore à l'arrêt en début d'après-midi. Le château de Versailles a rouvert lui ses portes vers 15h après une nouvelle évacuation dans la matinée en raison d'une alerte à la bombe. C'est la troisième fois depuis samedi dernier. À Orléans, les Halles Châtelet et les Galeries Lafayette ont été évacuées cet après-midi en raison d'un sac suspect. Une équipe de déminage est attendue sur place. Dans ce contexte de situation d'urgence attentat, niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate, le ministre des Transports Clément Beaune promet une hausse de 20% des effectifs dédiés à la sécurité dans les trains d'ici l'été 2024. Cela représente 550 agents supplémentaires. La SNCF va renforcer également ses brigades de chiens de détection. Les patrouilles en gare seront renforcées, tout comme la formation des agents au risque de sécurité. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, revoit à la hausse le nombre d'incidents qui ont émaillé lundi dans les collèges et les lycées, des hommages aux professeurs tués à Arras et à Samuel Paty. Il fait état désormais de 357 perturbations et contestations. Le ministre Gabriel Attal avait annoncé hier un premier bilan de 179 saisines du procureur de la République. En région Centre-Val de Loire, une cinquantaine d'incidents étaient relevés par le rectorat. Moins de 5 considérés comme graves devraient faire l'objet de poursuites judiciaires et disciplinaires. Sur place, au Proche-Orient, Israël et le Hamas se rejettent la responsabilité du bombardement d'un hôpital à Gaza. Une frappe aérienne sur cet hôpital au centre de la bande de Gaza a fait, selon un dernier bilan, 471 morts. Le Hamas accuse Israël de cette frappe. De son côté, l'État hébreu désigne un tir de roquettes du djihad islamique, un autre groupe armé palestinien. En visite à Tel Aviv en ce moment, le président américain Joe Biden, sur la base de renseignements américains, a disculpé Israël. Le bombardement de cet hôpital suscite en tout cas la colère dans le monde arabe. 5000 Jordaniens se sont rassemblés autour de l'ambassade d'Israël en Jordanie. Des rassemblements ont eu lieu également à Tunis, à Beyrouth ou bien encore à Damas. Les conditions d'accès aux prêts à taux zéro vont être élargies. Son montant est revu à la hausse. Il va passer de 80 000 à 100 000 euros. La part qu'il pourra représenter par rapport à un autre crédit souscrit auprès de la banque va passer de 40 à 50% pour les ménages modestes. Enfin, il va concerner 210 villes supplémentaires. Autre bonne nouvelle pour les ménages, annoncée ce matin par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Le groupe Total Énergie va maintenir le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99 € le litre pour toute l'année 2024. Après l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, la Drôme est placée en vigilance orange pluie inondation en raison d'un nouvel épisode Sevenol. La perturbation qui a débuté dans la matinée doit durer jusqu'à demain. Le cumul total de précipitations attendu pour cet épisode est de 150 à 200 mm d'eau par heure sur les Cévennes, avec des pointes possibles entre 200 à 250. Enfin, le tirage au sort ce soir du 6e tour de la Coupe de France de football. Trois clubs du Loiret sont encore en lice, l'USO, Saint-Privé et Malzerbe. Le tirage a lieu à Blois à 18h30. La météo 100% locale avec les balnéades, centre de bien-être, formée détente à 10 minutes d'Orléans, les-balnéades.fr. Et la pluie, elle tombe également dans le Loiret. Oui, absolument, mais ça devrait se calmer. C'est-à-dire que cette amélioration devrait arriver dans les prochaines minutes. Les précipitations vont cesser, des éclaircies devraient réapparaître. Le vent devrait même s'atténuer, bon, excepté dans le Loir-et-Cher où on reste sur des rafales de vent qui peuvent atteindre localement les 65 km/h. 18 degrés à Pithiviers, Sully-sur-Loire, Gien et Courtenay. 19 à Artenay, Puiseaux, Orléans, Montargis, Châtillon-sur-Loire. 19 aussi à Beaugency, La Ferté-Saint-Aubin, Blois et Salbris. Pour cette nuit, de belles éclaircies en soirée qui vont devenir changeantes. C'est-à-dire que des averses seront possibles en toute fin de nuit et des températures minimales douces. 12 à 13 degrés pour les minimales. Demain jeudi, un ciel qui reste nuageux, sans surprise. Même si par moments, des éclaircies peuvent apparaître et seront belles. Les nuages peuvent même donner de petites averses avec une amélioration temporaire en milieu de journée de la Puisée au Berry ainsi que sur l'ouest du Loiret avec des températures maximales comprises entre 20 et 21 degrés. 02 38 53 25 25, on rentre à la maison ensemble. S'il y a un incident, un ralentissement, appelez-nous pour partager l'information. Du côté de Blois, depuis les Cailloux, en direction du rond-point Capciné, vous êtes ralenti, comptez 5 minutes 40 en plus sur votre temps de parcours. Dans l'Orléanais, ça roule relativement bien, quelques difficultés depuis Saran en direction de Saint-Jean-de-la-Ruelle pour passer le feu de la tangentielle, vous êtes ralenti plus 4 minutes et des ralentissements aussi sur la rue des Hautes-Levées depuis le pont de l'Europe en direction de Saint-Marceau, plus 5 minutes sur votre temps de parcours. Ailleurs, ça roule relativement bien, quelques ralentissements habituels depuis Sandillon en direction d'Arvois suite à cette zone de travaux. Et puis sachez que le parking des Halles Châtelet, qui était fermé depuis le début d'après-midi, a de nouveau réouvert ses portes en plein cœur de l'Orléanais. Vous pouvez vous y stationner. France Bleu Orléans. France Bleu Orléans. Le 16-19, Léo Simard. Merci Christophe Dupuis. Prochain point sur l'actualité tout à l'heure à 18h avec le journal. Le journal complet, à tout à l'heure. Vous chantez le titre lors de soirée karaoké Endiablé, mais connaissez-vous l'histoire du collecteur de Nicolas Lespaul, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion? Je pense que non. Eh bien, vous la connaîtrez dans quelques minutes avant le journal de 18h. Dans le coup de cœur également, on vous propose un spectacle ludique et pédagogique sur les saisons à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans. Nous allons accueillir à 17h30 Antoine D, alias Kazouzou. Ce sera notre invité coup de cœur. Une semaine de cinéma pour deux personnes à gagner. Et du cinéma, on en parle dans le rendez-vous si on nous sortait. Les deux réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache sont les invités de Sébastien Doucet pour leur nouvelle comédie sociale Une année difficile, à découvrir après Dépêche Mode. just can't get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel. Mode, Just Can't Get Enough à l'instant sur France Bleu Orléans. Il y a Mika qui arrive avec Relax, Take It Easy. Et puis juste avant, au haut de l'affiche ce soir, Une année difficile. C'est le nouveau film des réalisateurs d'Intouchables. Eric Toledano et Olivier Nakache signent une nouvelle comédie douce amère sur fond de surendettement et de combat écologique. Et comme bon nombre de leurs films, Nos Jours Heureux, Le Sens de la Fête ou encore Hors Normes, le duo Toledano-Nakache signe la trame, les dialogues et bien sûr la mise en scène. Eric Toledano puis Olivier Nakache avec Sébastien Doucet. La période de punition qu'a constitué le Covid a été peut-être un déclic où on s'est dit, on était sur un projet, on s'est dit, on peut pas parler d'autre chose. Il se passe quelque chose de trop important. Ne serait-ce que les gens qui applaudissaient aux fenêtres, ça nous a... On s'est dit, il faut qu'on trouve une manière de le filmer original. Et je laisse aux spectateurs le soin de découvrir comment on l'a présenté, mais en tout cas, il y a cette réflexion sur le plein et le vide. On a connu des périodes, peut-être qu'on était comme des chevaux au galop en train d'avancer promptement sur une route, et puis d'un coup ça a été arrêté, et puis du plein on est tombé dans le vide, les rues vides, les portes closes, les avions cloués au sol, et on s'est imaginé qu'on était dans un moment de transition particulier, entre le plus et le moins. Alors on a décrit le surendettement qui représente le plus, et l'écologie qui est plus tirée vers le moins, et l'idée de posséder un peu moins pour être bien. L'histoire, quelle est-elle? C'est donc celle de deux quadras, Albert, Pio Marmaille et Bruno, Jonathan Cohen, surendettés et au bout de leur vie, et qui vont rejoindre, malgré eux, une association de jeunes militants écolos, au début pour des raisons à peine avouables. Oui, pour des raisons à peine avouables. Ils ont la tête constamment sous l'eau. Ils essayent d'émerger comme ça pour prendre une bouffée d'oxygène. Ils sont des champions des crédits conso. Donc, ils ont pas d'autre solution, soit des petites magouilles pour essayer de survivre. Il y en a un qui est vraiment très très mal en point. Le hasard les met en présence de cette association militante Objectif Terre, qui font par exemple du désencombrement, qui vont essayer de désengorger les appartements pour donner les meubles à des associations. Mais eux vont se dire, plutôt que les donner, on va peut-être essayer de les vendre. Donc ils vont, dans un premier temps, essayer de profiter de cette situation sans n'en avoir rien à fiche de la cause pour laquelle les militants font leurs actions. Et puis après, vous déroulez le film. Dans votre duo, qui fait quoi? Qu'est-ce que vous faites ensemble et séparément au cinéma? On fait vraiment, c'est un duo depuis assez longtemps, puisqu'on s'est connus dans l'adolescence. Donc en fait, on n'a pas vraiment compartimenté. Chacun a le droit de goûter à tout. Alors la mise en scène, le découpage, on fait un peu tout à deux. Et puis de temps en temps, on change d'un coup. Et donc les acteurs ne savent plus qui est qui. Et c'est très bien. Et puis quand il y en a un qui en a marre, on lui dit c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Voilà. Ça c'est pratique. Ouais. Bon, je vais laisser aux spectateurs le soin de découvrir les premières et les dernières images de ce film. Mais sur la signification d'une année difficile, on apprend notamment que l'expression on l'utilise depuis au moins 74. Comment choisissez-vous vos titres, Le Sens de la Fête, Samba, une année difficile, comment faites-vous? En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais d'année facile et que personne ne va nous prophétiser, aucun président ou aucun responsable politique va nous dire les choses vont être faciles. Il faut toujours préparer les gens, et je pense que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'innovation en matière de relations sociales, ça a toujours été comme ça. Si ça se trouve, à Orléans, au XVIe siècle, il y a deux mecs qui parlaient comme ça et qui disaient « c'est compliqué », et l'autre répondait « surtout en ce moment ». J'ai l'impression qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui vivons le moment le plus difficile. Au moment des vœux, quand les présidents disent « cette année, ça va être compliqué », je pense que Emmanuel Macron ne se doutait pas à quel point, à partir de mars et de ce confinement, ça allait être compliqué. Donc on s'est dit « en voilà une vraie année difficile, on va essayer de la décrire ». Et on va la décrire en essayant de faire ce que Beaumarchais disait, c'est-à-dire d'en rire plutôt que d'en pleurer. Une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlant au cinéma aujourd'hui au Pâté d'Orléans et Saran à l'Alticiné de Montargis ou encore au Cap Ciné à Blois. Vous retrouvez cette interview en podcast sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. On va écouter Mika, puisque Mika, Josman, PLK, Mpokora et Chaka Pong sont cinq noms pour lancer l'édition 2024 du Printemps de Bourges. Printemps de Bourges qui aura lieu du 23 au 28 avril prochain. L'ouverture de la billet se déroule demain, jeudi, raison pour laquelle on vous a sélectionné ce titre, titre de Mika. Mika avec Relax, Take It Easy. Et puis après avoir chanté ce morceau, je vous passe un extrait de film, vous l'identifiez et vous repartez avec une semaine de cinéma pour deux personnes. Elle est pas belle la vie? Bah si, bien sûr, parce que vous êtes sur France Bleu Orléans. Willax, Take It Easy, à l'instant sur France Bleu Orléans. Allez, il est temps de jouer ensemble, il est temps de se faire plaisir avec, c'est mercredi, des nouveaux films à l'affiche du cinéma Pathé, Place de la Loire à Orléans. Les Pathé Saran, il y a les Trolls 3 par exemple, Il y a une année difficile, le film qu'on vient d'évoquer à l'instant, Killers of the Flower Moon, Linda veut du poulet, Le Consentement, toujours à l'affiche, La Patte Patrouille également, Le Règne Animal, Bernadette, ou encore Le Procès Goldman pour n'en citer que quelques-uns. Et bien chaque jour à la même heure dans le 16-19 France Bleu Orléans, on vous propose une semaine de cinéma pour deux personnes. Durant 7 jours, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec la personne de votre choix. Pour gagner, c'est très simple, il suffit d'identifier l'extrait du film suivant. C'était un samedi sans histoire. Zalinski, mettez les pouces, on est samedi. Le professeur Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Ça ne marchait pas tout à fait. Est-ce que ta machine fonctionne? Prends un petit réglage, ça ira. Puis quelque chose d'inattendu se passa. Ce sont les enfants? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Vous avez une réponse à nous apporter. De quel film il s'agit? Un film de 1990. C'est un film Walt Disney Studio. Je n'en dis pas plus. Un film qui a quand même réuni plus de 4 200 000 entrées. Voilà, si vous avez la bonne réponse à ce film... En tout cas, cet extrait musical, vous nous appelez 02 38 53 25 25. C'est Patricia qui vous attend au bout du fil. Une semaine de cinéma pour deux. Après Bossé Bentou et Jennifer, voici Ti Vecu Hola Mio Bandera. Bel après-midi, bon retour à la maison. Vous écoutez le 16-19 France Bleu Orléans. Ti Vecu Hola Mio Bandera, il fiore che si spanna, ogni istante rausole, ogni giocco di campana. Si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana. Hola Mio Bandera, hola mio bandera, tiro la mio bandera, in ogni fiume chi corre, in usa braccia un mare, in aianna di albore, si per me a stella ardente, guida di un messe in bulore, hola. Per me la scorsa vita di Arburu sembra rito. Hola mio bandera, hola mio bandera. Io e vola mio bandera, in un pianto di l'uccello, in la mano che si porta, in la risa di un zitello. Si la mia antica culana, a mio bramo, mio per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio, con la mia bandera. Hola. C'est Bento accompagné de Jennifer, concert à Paris La Défense Arena ce 28 octobre, c'est avec France Bleu Orléans. Je parle évidemment du groupe corse Cantu, Mezzu, Bossé Bento, à suivre sur France Bleu Orléans. Eurythmics, avant cela on accueille Catherine de Châteauneuf-sur-Loire. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, je rentre à la maison, j'ai fini mon travail, tout va bien. Eh ben, tout va bien. Vous travaillez où, Catherine ? Oh, sur Orléans, donc une grande structure. Ah, quelle est la grande structure ? Ah, c'est... Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Hein. Vous croyez ? Amazon. Amazon, ben, bien sûr, vous pouvez le dire, il n'y a aucun souci. Donc là, vous prenez directement la tangentielle. Hop là, Amazon, Châteauneuf, ça se fait bien à cette heure-ci, pas de problème. Oh si, il y a des bouchons à cette heure-ci, là. Pour sortir de Saran, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et là, vous vous êtes dit, bon allez, je me détends, j'écoute France Bleu Orléans. Voilà, exactement. Et je me dis, pourquoi pas, la prochaine fois, en quittant le travail, aller directement au pâté Saran, parce qu'en plus, c'est à une sortie de tangentielle, oui, donc tout va bien. À côté. Pour regarder un film chaque jour pendant une semaine. Alors, juste avant de vous l'offrir, je repasse l'extrait et je vais vous demander votre proposition de réponse juste après. C'était un samedi sans histoire. Zalinski, mettez les pouces, on est samedi. Le professeur Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Ça ne marchait pas tout à fait. Est-ce que ta machine fonctionne ? Prends un petit réglage, ça ira. Puis quelque chose d'inattendu se passa. Ce sont les enfants ? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Alors, quelle est votre réponse, Catherine ? Chérie, j'ai réfléchi les gosses. Absolument. Sorti en 1990, 4 200 000 entrées, le film américain de Joe Johnson. Félicitations. Une semaine de cinéma pour vous et la personne de votre choix. Bravo. Merci beaucoup. Vous savez quel est le premier film que vous allez voir ? Non, pas vraiment encore. Je vais voir. Mon mari voulait voir Expandable, le dernier, là, le 3. Donc, pourquoi pas. Oui. Voilà. Non, mais à voir, exactement. Mais bon. Il va falloir se dépêcher parce que Expandable va bientôt sortir des films à l'affiche. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il va pas trop falloir tarder. Mais bon, Catherine, il y a bien d'autres choses à voir. Oh, ça oui, il y a plein d'autres choses à voir. Je vous embrasse. Bon retour à la maison, Catherine. Merci, au revoir. À bonne bientôt. Journée à toute l'équipe. Merci, au revoir. Demain, à la même heure, nouvel extrait de film à identifier. Nouvelle semaine de cinéma pour deux à gagner au pâté Place de la Loire Orléans ou au pâté Saran. À suivre vos conditions de circulation, la météo aussi. Puis nous allons accueillir dans notre coup de cœur France Bleu Orléans, le comédien orléanais Antoine Dey, alias Kazouzou. Il nous propose un spectacle pour les enfants de 1 à 8 ans à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans ce week-end. On va discuter avec lui après Eurythmics sur France Bleu Orléans. Le 16-19. 100% football. Suivez le championnat sur France Bleu Orléans. Deux victoires lors des deux derniers matchs de championnat, c'est une première pour l'US Orléans cette saison. Malgré la crise en interne, les joueurs ont fait preuve de caractère pour se donner de l'air au classement. Mais là, c'est un adversaire d'un autre calibre qui se présente face à eux. Niort, le dauphin du national, l'un des favoris pour la montée. Les jaunes et rouges peuvent-ils rivaliser avec ce genre d'équipe ? Réponse ce vendredi, c'est à suivre en direct sur France Bleu Orléans. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match. France Bleu Orléans. Radio officielle de l'USO Football. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Orléans, ici, on parle d'ici. playing with my heart. Sur France Bleu Orléans, There Must Be an Angel à l'instant. La suite s'annonce bien chouette avec la petite culotte. Ce sera la Gofa Lolita pour le 16-19 France Bleu Orléans. La météo 100% locale avec les balnéades, centre de bien-être, forme et détente à 10 minutes d'Orléans, les-balnéades.fr. Alors c'est vrai que le ciel est gris, c'est vrai qu'il pleut par endroits, mais il y a une amélioration qui est attendue dans les prochaines minutes avec des précipitations qui vont cesser, des éclaircies qui vont réapparaître. Alors le vent devrait s'atténuer, ce sera le cas dans le Loiret, un peu moins dans le Loir-et-Cher avec toujours des rafales jusqu'à 65 km/h. Pour les températures, c'est doux malgré ce temps humide à Châteauneuf-sur-Loire, Ouzouer-le-Marché, Gien et Sully-sur-Loire, 18 degrés, 18 degrés dans le Gâtinais. À Orléans, Bellegarde, Montargis, 19. 19 également à Puiseaux, Châtillon, Coligny, La Ferté-Saint-Aubin, Beaugency, Vendôme et Blois. Pour cette nuit, de belles éclaircies en soirée. Puis le ciel deviendra très changeant en fin de nuit avec des averses qui pourront se produire localement. Des températures minimales comprises entre 12 et 13 degrés. Et puis demain jeudi, un ciel qui reste nuageux toute la journée, même si par moment il y aura deux ou trois éclaircies. Les nuages pourront même donner quelques petites averses avec une amélioration prévue en milieu de journée de la Puisée au Berry ainsi que sur l'ouest du Loiret. Toujours des températures maximales comprises entre 20 et 21 degrés. On fait la route ensemble, comme tous les jours, 02 38 53 25 25. Appelez-nous s'il y a un ralentissement, un incident. Dans l'Orléanais, il y a quelques ralentissements à vous annoncer, notamment sur l'avenue de Sologne. Depuis Olivet, en direction d'Orléans, vous êtes ralenti. Comptez 7 minutes 20 en plus sur votre temps de parcours pour traverser le carrefour du Zénith. Des ralentissements aussi sur le quai de la Madeleine pour rejoindre la tangentielle à Orléans-Nord. Comptez 9 minutes en plus sur votre temps de trajet. Du monde sur la rue de la, des Hautes Levées, depuis le pont de l'Europe, direction le quartier Saint-Marceau, plus 6 minutes, plus 5 minutes dans les deux sens de circulation pour traverser le feu de la tangentielle de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et puis on nous annonce beaucoup de ralentissements, un peu plus que d'habitude, sur la rue Marcelin-Berthelot dans les deux sens de circulation à Fleury-les-Aubrais. Comptez plus 5 à 7 minutes dans les deux sens de circulation. Voilà pour les difficultés de l'Orléanais. Depuis Sandio en direction de Darvois, là aussi vous êtes ralenti suite à cette zone de travaux, plus 5 minutes sur votre temps de parcours. Ailleurs, ça roule relativement bien, même s'il y a quelques ralentissements du côté de Blois lorsque vous arrivez sur le rond-point Robert Naud. Dans tous les sens, vous serez ralenti. Vous allez mettre 4 à 6 minutes pour accéder à ce rond-point et vous rediriger du côté de Blois. 7h34, place à notre coup de cœur France Bleu Orléans. Aujourd'hui, c'est Antoine Dehé, notre invité. Bonjour Antoine. Bonjour Léo. Vous êtes un comédien orléanais et vous venez nous présenter le spectacle Les Bonhommes Saison, joué à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans, ce dimanche à 11h et 16h. Alors pour commencer, qui êtes-vous Antoine ? Alors moi, je suis un artiste orléanais, intermittent du spectacle depuis de nombreuses années. Mmh. Donc, j'ai participé à plusieurs compagnies. Et depuis 2019, on va dire, j'ai rejoint donc Christian Morin, un musicien passionné de musique et passionné de théâtre, avec lequel on a monté plusieurs spectacles jeunes publics, dont Le Bonhomme Saison qu'on présente dimanche prochain. Et vous vous appelez le duo Kazouzou. Alors voilà, on est deux artistes associés sous le nom Kazouzou. Très bien, dimanche 11h et 16h, deux représentations d'un spectacle ludique. Le Bonhomme Saison, c'est quoi ? Alors Le Bonhomme Saison, c'est un spectacle, comme son nom l'indique, sur les saisons, mais pas que. Donc c'est un spectacle de théâtre, de marionnettes, et de chansons. Alors ça raconte un petit peu l'histoire d'un petit arbre qui veut grandir très très vite. Mais comme tous les enfants, il veut grandir vite. Mais ça demande du temps. Mmh. Et ça demande du temps, mais le petit arbre ne sait pas ce que c'est que le temps. Les jours, dans les années, tout ça, il ne sait pas. Donc le bonhomme saison arrive et va lui expliquer tout simplement grâce au rythme des saisons. Voilà, ponctué de petites chansons. Donc c'est un spectacle musical finalement. Alors il est ponctué de petites chansons pour les enfants. Oui. On peut considérer ça comme un spectacle musical. Le public visé de 1 à 8 ans, donc vraiment accessible à toute la petite famille. Ouais. Ça dure 40 minutes. Pendant ces 40 minutes, on va y voir quoi ? On va voir des feuilles qui tombent de l'arbre. On va. On peut en voir. Oui. Alors c'est un décor évolutif. Hein. Mmh. Le décor change au rythme des saisons. Il y a des personnages donc de marionnettes qui apparaissent au fil des saisons. Puis il y a toute une histoire. Le bonhomme saison, au fil des saisons aussi, prépare une surprise. Il cueille des légumes et des fruits, mais on ne les cueille pas au même moment de l'année. Donc il y a aussi une sensibilisation sur les fruits et les légumes, à quelle saison on les ramasse. Donc un spectacle pédagogique aussi, oui, on peut le dire. On peut dire pédagogique. C'est ça, et puis vous serez accompagné d'un troisième artiste, parce qu'en règle générale, vous n'êtes que deux. Vous faites beaucoup de représentations dans les écoles, dans les centres de loisirs. Là, c'est ouvert à tous les publics. Troisième artiste qui sera donc sur scène. Voilà, donc un guitariste qui nous rejoint. C'est Cédric Chartier qui accompagnera Christian Morin et moi-même. Très bien. Eh bien, rendez-vous ce dimanche à la Maison des Arts et de la Musique à côté du lycée Charles Péguy à Orléans. Une séance à 11h, une seconde à 16h. Ça dure 40 minutes. C'est 7€ par personne. Vous retrouvez toutes les informations sur le site kazouzou.com. Merci beaucoup Antoine. Ouais, c'est nous. Merci beaucoup France Bleu. Et à très bientôt sur France Bleu Orléans. À bientôt. À suivre, comme prévu, la petite culotte. Voici la Gofa Lolita avant de vous offrir un joli cadeau dans le kiosque France Bleu Orléans. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Lolo, c'était Lola, c'était la Gofa Lolita. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Gofa Lolita. Et j'attrape Lolita, et je me prends une chapate. Quand les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Lolo, c'était Lola, c'était la gonfa Lolita. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la gonfa Lolita. Culotte, la gaufa Lolita sur France Bleu Orléans, 17h41. Il y a Katy Perry, Firework, le feu d'artifice de Katy Perry à découvrir dans quelques minutes. Ce sera juste avant le journal de 18h. Et puis nous allons découvrir dans le collector de Nicolas Lespaul, Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Alors les paroles, on les connaît, l'histoire de ce titre, peut-être moins. Ce sera chose résolue dans quelques minutes. Et puis le kiosque France Bleu Orléans qui vous offre un joli cadeau, notamment si vous adorez l'artiste Mylène Farmer. Le 16-19, 16-19. Ce jeudi, France Bleu Orléans se met au vert. Pour fêter les 30 ans de Center Parcs à Chaumont-sur-Tarronne, nous allons y passer toute la matinée. Visiter les coulisses, découvrir ce qui vous aide à buller sur place, se promener dans des lieux inédits, vous serez avec nous dans ce lieu hors du stress quotidien. France Bleu Orléans, en direct de Center Parcs, c'est ce jeudi. Le groupe Bastille Automobile fête ses 110 ans. Venez célébrer cet anniversaire lors des ventes privées Nissan du 16 au 28 octobre. Profitez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules. L'occasion de découvrir la technologie Nissan e-Power unique au monde. Bastille Automobile, c'est aussi une excellente e-réputation client avec une note Google de 4,7 sur 5. Bastille, concession Nissan Orléans, Autoval de Loire à Fleury-les-Aubrais. Nissan. Vente privée du 16 au 28 octobre. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pour bien terminer la journée, le 16-19, France Bleu Orléans. France Bleu Orléans. C'est parti sur France Bleu Orléans. On vous offre ce livre incontournable et indispensable si vous adorez les musiques de Mylène Farmer, si vous adorez cet artiste. C'est vrai qu'on peut la comparer à Johnny Hallyday, on va pas se mentir, ils remplissaient tous les deux des stades et Mylène Farmer continue, des stades à des capacités exceptionnelles, des disques encore et toujours, un show somptueux, un show coûteux. Sauf que la différence avec Johnny Hallyday, c'est que Mylène Farmer est relativement discrète. Elle est énigmatique, secrète, mystérieuse. Bref, les adjectifs ne manquent pas pour définir Mylène Farmer. Et bien, dans ce livre que nous vous offrons, le livre Mylène Farmer de Christian Eudeline, Paris aux éditions Hugo, vous allez retrouver à l'intérieur plus de 200 photos, toutes iconiques. Il y en a certaines qui sont inédites. Et cet album nous propose une lecture chronologique de la vie de Mylène, comme on peut l'adviner à travers ses disques et ses shows, avec une rubrique, par exemple, Les secrets de Mylène Farmer. Bref, c'est un joli livre, un joli ouvrage que nous vous offrons maintenant sur simple appel. Vous l'avez 02 38 53 25 25. Et il est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui est fan de Mylène Farmer dans notre entourage. Patricia vous attend 02 38 53 25 25. Et nous aussi, après Katy Perry sur France Bleu. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there? dance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go Katy Perry sur France Bleu Orléans. Maryse de Aulnay-la-Rivière est avec nous. Bonjour Maryse. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Parfait. Qu'avez-vous fait de votre journée, Maryse ? Faites-moi rêver. Oh, j'ai été faire une marche en début d'après-midi et je me suis fait tremper. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes au sec, il y a un microclimat à Aulnay-la-Rivière ? Comment ça se passe ? Non. On est parti, ça allait, mais après, en cours de promenade, on a essuyé une bonne pluie. Bon, eh ben écoutez, vous êtes séché depuis, vous avez... Je suis rentrée, j'ai fait une bonne douche. voilà. Et c'est toujours très appréciable de prendre une bonne douche après avoir pris une saucée ou pas d'ailleurs. C'est toujours agréable après une bonne marche. Vous marchez régulièrement, Maryse ? Ah oui. Régulièrement, oui. Très bien. Mylène Farmer, ça vous évoque quoi, vous ? Oh là là, ça m'évoque rien du tout, mais je l'aime énormément. Dès qu'il y a un concert qui est retransmis à la télé, je le regarde. Je l'adore. C'est somptueux. Eh bien, écoutez, vous allez adorer, dévorer. Là, j'étais en train de cuisiner, préparer un clafoutis aux pommes, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit j'appelle tout de suite, je vais essayer de. Eh bien, comme quoi, vous avez tenté, vous avez mis votre clafoutis en pause, et bien, vous allez pouvoir repartir avec ce livre, le livre Mylène Farmer de Christian Eudelin, paru aux éditions Hugo. Ça retrace la chronologie de Mylène Farmer qui est très, très discrète, avec des photos inédites, des photos iconiques. Bref, vous allez

Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion dans le France Bleu Collector de Nicolas Lespeau. La retrouver en podcast sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. Allez, juste avant le journal de 18h, il y en a un, il a pris son maillot de bain pour aller à Center Parks pour une émission exceptionnelle demain. C'est Pascal Hernandez, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous. Alors oui, demain, que se passe-t-il entre 9h et midi, émission exceptionnelle? Effectivement, on sera en direct de Center Parks des Hauts-de-Bruyères. On connaît bien Chaumont-sur-Tarronne, c'est un bel endroit. Dès 7h d'ailleurs, pour être très précis, puisque Vincent James, notre baladeur, y sera. Il nous fera vivre les coulisses qui seront un petit peu, on va dire, zen et sereines à cette heure-là. Mais à partir de 9h, avec une grande partie de l'équipe, on va vous faire vivre, vous qui nous suivez, la vie de Center Parks. On va parler, bien sûr, de la partie Aquamundo. C'est ça. On va s'intéresser aussi au côté entrepreneurial de cet endroit, puisqu'on recrute, on a besoin de monde. Ah ben, j'imagine, et puis surtout, ils célèbrent leurs 30 ans. Exactement, c'était l'occasion des 30 ans, donc on va être au plus près de ce qui s'y passe. Et puis, vous savez bien sûr qu'on offre mais oui, c'est ça. Parce que c'est-à-dire que vous allez être en direct de Center Parks pour offrir du Center Parks dans le grand jeu. Exactement, entre 11 et 12 avec nos questions de culture générale, bien sûr. C'est ça, au 02 38 53 25 25. Vous avez sélectionné quel maillot de bain? Le bleu. Pour la rivière sauvage? Pour France Bleu, ce sera raccord avec mon maillot. Eh ben très bien, on a hâte de voir les photos et les vidéos sur la page Facebook France Bleu Orléans. Belle soirée, à demain. À demain, Léo. Dès 9h sur France Bleu Orléans. Pour l'heure, il est quasiment 18h à 18h, on s'informe. Le journal présenté par Christophe Dupuis. Et puis nous allons évoquer l'actualité de l'ADA Blois qui joue en Betclic Elite. C'est du basket, on en parle dans notre rendez-vous 100% supporter avec Yann juste après 18h sur France Bleu Orléans. Le 16-19, 16-19. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Bonjour, Robin Bernot. Chaque matin, on vous raconte toute l'actualité en direct de nos régions. À 5h et 5h30, les journaux de Soisy-Bourg. À 5h15, on fait le tour des unes de nos quotidiens régionaux. Et à 5h45, c'est l'info des Lève-Tôt, un sujet d'actu sur lequel nous zoomons afin de mieux comprendre. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalgie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalgie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Orléans. Bon début de soirée à l'écoute de France Bleu Orléans, c'est le 16-19, il est 18h. À 18h, le journal présenté par Christophe Dupuis. Bonsoir Christophe. Bonsoir Léo, bonsoir à tous. La météo avec une amélioration prévue pour ce début de soirée. Les précipitations cessent, des éclaircies réapparaissent. Toujours des rafales de vent qui peuvent atteindre localement les 65 km/h. On est entre 18 et 19 degrés. Pour demain, jeudi, un ciel nuageux avec quelques averses, mais quelques éclaircies par moment. Entre 20 et 21 degrés au meilleur de la journée.

souscrit auprès de la banque va passer de 40 à 50%. Enfin, il va concerner 210 villes supplémentaires. Autre bonne nouvelle pour les ménages, annoncée ce matin par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le groupe Total Énergie va maintenir le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024. Ce soir également dans l'actualité, l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, mais la Drôme également placée en vigilance orange pluie inondation en raison d'un nouvel épisode Cévenol. La perturbation qui a débuté dans la matinée doit durer jusqu'à demain. Le cumul total de précipitations attendues pour cet épisode est de 150 à 200 mm d'eau par heure sur les Cévennes, avec des pointes possibles entre 200 à 250. Le foot et Bernard Cazeneuve à l'US Orléans, c'est bientôt fini. Oui, quelques jours après les révélations de France Bleu Orléans sur des accusations de propos racistes tenues à plusieurs reprises par l'entraîneur du club orléanais, les heures de Bernard Cazeneuve à Orléans semblent désormais compter. Bonsoir François Guéraud. Bonsoir. François, Bernard Cazeneuve est convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement et pas plus tard que mercredi prochain. Oui, alors Bernard Cazeneuve était déjà suspendu de ses fonctions depuis mardi dernier. C'était au lendemain de nos révélations sur les propos racistes que lui reprochent plusieurs joueurs, dont la phrase « Vous n'êtes pas plus con que des Maghrébins ». Le club orléanais avait ouvert une enquête interne qui est désormais terminée. Et à la suite de cette enquête, eh bien Bernard Cazeneuve effectivement est convoqué mercredi 25 octobre pour un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave. On ne le reverra donc certainement plus sur le banc de l'USO. La succession pourrait avoir lieu dans la foulée. La piste privilégiée reste Karim Mokedem, l'ancien entraîneur de Saint-Brieuc qui avait déjà été approché à l'intersaison. En attendant, c'est la paire Benoît Darcy-Bertrand Bayou qui continuera à assurer l'intérim, au moins donc pour le match de vendredi contre Niort, mais aussi pour le déplacement à Sochaux, prévu mercredi prochain, le jour même où Bernard Cazeneuve devrait être licencié. L'ancien joueur de l'OM pourrait cependant très vite rebondir. Il a déjà des pistes en Algérie pour entraîner un nouveau club. Merci François, on retrouve vos explications sur francebleu.fr. Le foot encore et le tirage au sort ce soir du 6e tour de la Coupe de France. 3 clubs du Loiret sont encore en lice. L'USO, Saint-Privé et Malzerbe. Le tirage a lieu dans quelques minutes maintenant à 18h30 à Blois. La météo 100% locale avec les balnéades, centre de bien-être, forme et détente à 10 minutes d'Orléans, les-balnéades.fr. La pluie se calme un petit peu, Léo. Oui, absolument. Pour cette fin de journée, les précipitations cessent selon Météo France et des éclaircies peuvent réapparaître avant le coucher du soleil. Le vent aussi devrait s'atténuer, même s'il reste bien fort par rafale dans le Loir-et-Cher jusqu'à 65 km/h par endroit. 18 degrés, c'est ce que nous avons à Pithiviers, Ouzouer-le-Marché, Courtenay et Sully-sur-Loire. 19 à Artenay, Orléans, Bellegarde, Montargis, Châtillon-sur-Loire, La Ferté-Saint-Aubin et Beaugency. 19 également à Blois, Salbris et La Motte-Beuvron. Alors pour cette nuit, des belles éclaircies pour débuter la soirée et puis en fin de nuit, des averses vont pouvoir se produire par endroits. Toujours des températures douces, entre 12 et 13 degrés pour les minimales. Demain jeudi, un ciel qui restera majoritairement nuageux, même si par moments, certaines éclaircies seront belles. Des nuages qui peuvent donner de petites averses avec une amélioration temporaire dans l'après-midi de la Puisée au Berry, ainsi qu'à l'ouest du département du Loiret. Température maximale comprise entre 20 et 21 degrés. On rentre à la maison ensemble, comme tous les soirs, 02 38 53 25 25. Appelez-nous s'il y a des ralentissements, des incidents, quelques difficultés à Blois sur la route nationale pour rejoindre le centre hospitalier. Du côté de Mains-sur-Loire aussi, quelques ralentissements, notamment depuis Mains-sur-Loire en direction de Bôle sur la principale départementale. Dans l'Orléanais, toujours des ralentissements depuis Sarre en direction de Sercotte suite à cette zone de travaux. Comptez 12 minutes en plus sur votre temps de parcours. Des ralentissements, mais assez simples pour traverser le pont Tina. Vous mettez 4-5 minutes en plus sur votre temps de parcours. Du monde aussi depuis Sarre en direction de Saint-Jean-de-la-Ruelle pour traverser le feu. Vous mettrez 8 minutes en plus sur votre temps de parcours. Et puis beaucoup de ralentissements sur le boulevard Marie Stuart lorsqu'on roule en direction de l'avenue de Paris. Comptez 11 minutes en plus sur votre temps de parcours. Soyez donc vigilants si vous êtes dans le secteur ailleurs des ralentissements habituels, avec toujours ces quelques difficultés depuis Sandillon en direction de Darvois suite à cette zone de travaux. France Bleu Orléans. France Bleu Orléans. Le 16-19. Léo Simard. Merci Christophe Dupuis. Vous retrouvez le journal d'ailleurs de 18h en podcast sur FranceBleu.fr et l'application ici. Merci, bonne soirée. Évidemment, vous restez avec nous sur France Bleu Orléans. On vous offre le livre Mylène Farmer, livre réalisé par Christian Eudelin, paru aux éditions Hugo. Alors, quand je dis livre, c'est clairement un ouvrage avec à l'intérieur plusieurs centaines de photos, dont certaines sont inédites. Et puis, le secret chronologique de la carrière de Mylène Farmer qui n'est pas encore terminée, loin de là. Dans notre agenda, si vous adorez les bandes dessinées,

Francis Cabrel, La cabane du pêcheur à 18h15 sur France Bleu Orléans. La Toulousaine Jane arrive avec son dernier morceau Night Hide sur France Bleu Orléans. Chaque jour sur France Bleu Orléans, c'est 100% supporters. On évoque l'actualité d'un club loirétain, d'un club loiréchérien. Aujourd'hui, c'est du basket, l'ADA Blois, avec Yann, un grand supporter. Bonjour Yann. Oui, bonjour. Alors, on va revenir sur la belle victoire de l'ADA, hein, qui joue en Betclic Elite. Journée 7, au Jeu de Paume, devant plus de 2660 supporters. Vous avez battu les Dijonais, 85-84. On refait le match ? C'était serré de A à Z, finalement. Ah ouais, c'était vraiment très serré. Fallait pas être cardiaque. Les nerfs en ont pris un sacré coup. Mais c'était vraiment un très très beau match, un Jeu de Paume encore plein comme un œuf. C'était une ambiance de folie, le public qui a poussé comme à chaque match. Ça c'est vraiment, moi je fais partie de la ruche, hein, l'association des supporters. Il y a vraiment des supporters qui sont derrière leur équipe de la première à la dernière minute, et je pense qu'on les a bien aidés pour finir cette fin de match qui était étouffante, parce que c'est vrai qu'on avait un point d'avance, c'était 23 secondes je crois, et possession pour Dijon. Et là, donc, le cœur bat fort. Il y a deux points, et on passe à la trappe, c'était fini pour nous. Donc et là, ils ont sorti les barbelés, ils ont fait une défense incroyable avec Brice Dessert qui a fait un match énorme. Il est devant, derrière, il a mis des points. Bon, il a raté quelques lancers francs, mais au final, on lui en veut pas trop parce que le résultat a bien tourné. Et donc, on arrive à attraper la balle à la dernière seconde, à faire un contre. Faute des Dijonais, il nous reste donc une seconde à jouer. Il y a deux lancers francs pour Brice Dessert. Bon, il rate les deux. Et on arrive à attraper le rebond et on met la balle au chaud et le buzzer a sifflé et là, grosse délivrance. Eh ben, la grosse délivrance pour le Volcan qui est le Jeu de Paume. Alors actuellement, vous êtes 13e, voilà, 13e pour le club de l'ADA Blois, avec un prochain déplacement qui s'annonce sportivement accessible finalement, puisque vous vous déplacez à Levallois-Perret. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que là, c'est le match à gagner, absolument, parce que Levallois, actuellement, ils sont à 7 défaites, oui, en 7 matchs. Alors nous, clairement, notre championnat, c'est le maintien. Hein, donc cette année, il y a 3 descentes en Betclic Elite, donc ça va être très très compliqué pour les équipes de bas de tableau. Si on les bat, on aura 4 victoires et eux, toujours 0. Donc les mettre à 4 victoires de différence, ça veut dire qu'on peut quasiment, je dirais pas les éliminer dans la course avec nous, mais on frapperait un grand coup. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Yann, pour nous avoir fait un petit débrief de ce début de saison en Betclic Elite de l'ADA Blois, avec un Jeu de Paume complètement complet. On embrasse évidemment la ruche blaisoise, donc qui vont supporter évidemment les Blaisois à domicile. À très bientôt sur France Bleu Orléans. Merci beaucoup. Au revoir. Et l'ADA Blois qui a vaincu Vitry, vous savez, c'est le club qui avait éliminé l'Orléans Loiret Basket lors des 64e de finale de Coupe de France. Et bien là, les Blaisois se sont occupés de les éliminer hier soir 75-68. Les Blaisois qui vont se rendre en 16e de finale de Coupe de France. 100% supporters à retrouver en podcast dès maintenant sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. Dans quelques minutes, on passe un petit coup de fil à Sylvie. Elle a gagné un très joli cadeau dans le kiosque France Bleu Orléans. On fait le service après vente après Jane sur France Bleu Orléans. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Dreaming. my dear.